إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، aujourd'hui inshallah l'ikhwan, on va parler d'une chose qui est importante et qui concerne tout le monde, que ce soit l'âgé, la personne âgée, que ce soit le plus jeune, que ce soit un homme, que ce soit une femme, et ce, quel que soit le temps, quel que soit le lieu où il se trouve. Taqwa Allahi Azza wa Jal, la crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Avant de parler de Taqwa Allahi Subhanahu wa Ta'ala, de la crainte d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, on se doit de savoir ce qui est vraiment la crainte d'Allah. Et dans beaucoup de versets, qui sont très nombreux, Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa yaqul Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa yaqul Allah jalla wa ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum ila akhirih. Dans beaucoup, beaucoup de versets, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la piété. Écouter ces versets, c'est une chose. Comprendre ces versets, c'est une deuxième chose. Al-fahm wal-amal bi. Et pratiquer cette piété. Mais comme on a dit, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que la piété, qu'est-ce que at-taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte pieuse d'Allah. An ta'mal bi ta'ati Allah azza wa jal ala nuri min Allah subhanahu wa ta'ala. La piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'appliquer l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Faire ce qu'Allah azza wa jal t'a ordonné. Tout ce qu'il a ordonné. الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والصلاة إلى آخره. Tout ce qu'il a ordonné. لكن على نور من الله. Mais avec une lumière venant d'Allah تبارك وتعالى. على نور من الله بالمعنى العلم. العلم النافع. العلم بكتاب الله عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Mais tout ceci avec quoi ? Sur une lumière, à la basira. Ud'u ila Allah, à la basira. À la ilm. Avec science. Comment veux-tu savoir ce qui est obligatoire sans science ? C'est bien beau de dire je vais appliquer ce qu'Allah m'a ordonné. Mais comment veux-tu savoir ce qu'Allah a ordonné si tu n'apprends pas ce qu'Allah a ordonné ? Comment veux-tu savoir ce qu'Allah a ordonné si tu ne lis pas le livre d'Allah ? Comment veux-tu savoir ce qu'Allah a ordonné si tu ne lis pas la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam? Et que tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première partie de taqwa. Que tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais les bonnes actions avec ilm, avec des preuves tirées du Coran et de la sunna. Et tu appliques. Et tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki yawmiddin. Le roi du jour de la résurrection. Celui qui jugera et qui donnera la récompense. La deuxième partie de taqwa, c'est quoi ? Que tu t'éloignes de ce qu'Allah a interdit. Que tu t'éloignes de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a interdit. Allah azza wa jal a ordonné des choses comme il a interdit des choses. Toujours à la nourri min Allah. Toujours sous la lumière d'Allah, c'est-à-dire selon le Coran et la Sunna, avec la science. Comment veux-tu t'éloigner de ce qu'Allah a interdit si tu ne sais pas ce qu'Allah a interdit? Si tu n'as pas appris ce qu'Allah a interdit? Et on ne peut interdire que ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. Il n'appartient à aucun musulman de rendre le halal le haram ou le haram au halal. Personne n'a le droit de rendre halal ce qu'Allah a rendu haram et de rendre haram ce qu'Allah Azza wa Jalla a rendu halal. Combien de musulmans aujourd'hui rendent interdites des choses permises et rendent des choses permises interdites? Ala nourin min Allah, toujours avec science. Sauf que, avec les bonnes actions, tu espérais la récompense, là tu, el khawf min azabillahi azza wa jal, là tu crains le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais ce qu'Allah a ordonné avec science, en espérant la récompense d'Allah. Deuxième partie de taqwa, tu délaisses ce qu'Allah a interdit avec science, en ayant peur du châtiment d'Allah. Bain al-khawf wa raja, tu es donc entre la peur et l'espérance. Wal muslim, la vie du musulman, toutes ses adorations sont basées sur ça. At-taqwa, la crainte d'Allah. Le musulman, il vit toujours avec ça. Fais des bonnes actions en espérant la récompense d'Allah. Éloigne-toi du haram parce que tu as peur du châtiment d'Allah. Liqulillahi tabaraka wa ta'ala, akhafu in asaytu rabbi adab yawmin azim. J'ai peur que si je désobéis à mon Seigneur, du grand châtiment. Du châtiment du grand jour. Al-Khawf. Qabl al-Ma'siyah. Ça, tu dois y penser avant de commettre le péché. C'est ça, taqwa. Car beaucoup croient que la taqwa, la crainte d'Allah, ce n'est que de faire du bien. Non, la crainte d'Allah, c'est non seulement faire le bien, mais en plus, délaisser ce qui est interdit. Had al-farq bayna al-bir wa taqwa. Elle est la différence entre ce qui est bien. Al-bir, c'est faire le bien. Mais quelqu'un peut faire du bien tout en faisant le haram. Na'am. Or, al-muttaqi, quelqu'un qui est pieux, al-muttaqi, quelqu'un qui a cette sifat de taqwa, lui, automatiquement, si on dit muttaqi, al-taqwa, c'est quelqu'un qui fait du bien, mais qui s'éloigne de ce qui est haram. Et là, il y a une grande différence entre ces deux-là. كما قال بعض السلف كيف تقول أن فلان متقي ولا يعلم ما يتقي؟ Pourquoi dis-tu qu'un tel est un pieux, il ne sait même pas qu'il craint Allah, il ne sait même pas ce qu'il faut craindre. Il ne sait même pas ce qu'il faut craindre. Et Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé cette taqwa, cette crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc chaque musulman se doit de savoir ce qu'il doit craindre. Qu'est-ce que la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Et cette taqwa, cette crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle va te ramener beaucoup de profit dans ta vie. Si tu crains Allah, tu as des choses en échange. Bien sûr, il y a le jannah. Lakin fi hadhihi ad-dunya, dans cette vie d'ici-bas, il y a beaucoup de choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et il les a mentionnées dans son livre et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as beaucoup de choses en échange. Et on va voir ces choses. Yani, les fruits de la taqwa, les fruits de la crainte d'Allah, qu'est-ce que tu vas avoir comme conséquence? Qu'est-ce qu'elles vont avoir comme conséquence dans ta vie, dans la vie du musulman? Awalan, سبب زيادة العلم العلم النافع يقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. Première chose, si tu crains Allah تبارك وتعالى, donc ça veut dire que si on te dit si tu crains Allah, ça veut dire que tu fais ce qu'Allah a ordonné avec science en espérant la récompense d'Allah, et tu t'éloignes de ce qu'Allah interdit avec science en ayant peur du châtiment d'Allah. Si tu fais ça, Allah tabaraka wa ta'ala va te donner de la science. Al-ilm al-shar'i. Wa attaqullaha wa yu'allimukum Allah. Allah azza wa jalla dit, selon le sens des versets, craignez Allah et il vous apprendra. Craignez Allah et il vous apprendra. Hadi ni'matun azima. Fi hadi ad-dunya. نور في الظلمات، نور التوحيد، نور السنة، نور طاعة الله عز وجل في ظلمات الشرك، في ظلمات البدع، في ظلمات المعصية. Une lumière dans des ténèbres. Cette science-là, qu'Allah tabaraka wa ta'ala va te donner, c'est une lumière dans des ténèbres. Une lumière de l'unicité d'Allah, ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala, de la connaissance d'Allah. Connaître Allah, connaître ses noms, ses attributs. Plus tu connais Allah tabaraka wa ta'ala, plus tu vas le craindre. Comment est-ce que la taqwa augmente ? بزيادة العلم بزيادة معرفة الله سبحانه وتعالى par une augmentation dans la connaissance d'Allah سبحانه وتعالى. C'est bien de connaître les gens, c'est bien de se rapprocher des gens pieux, des gens qui ont de la science, mais tu te dois de connaître Allah سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله. Si vous craignez Allah, Allah vous donnera la science. والعكس بالعكس. Le contraire avec son contraire. Celui qui ne craint pas Allah, celui qui ne fait pas ce qu'Allah a ordonné, celui qui fait ce qu'Allah a interdit, Allah tabaraka wa ta'ala ne lui donnera pas l'ilm. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Celui qu'Allah lui veut du bien, Allah lui fait comprendre la religion. Comment comprendre cette religion ? Il l'a bien aimé, que par la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète. Et ça, les savants ont expliqué ce hadith en disant le contraire avec son contraire. Celui qu'Allah ne lui veut pas du bien, il ne lui fait pas comprendre la religion. Car la science, elle se mérite. قال الله تبارك وتعالى على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل أمر الله عز وجل أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل دي الله إذا دونا نظرة صلى الله عليه وسلم ربي زني علما Monseigneur, augmente-moi la science. Pourquoi ? Parce que la science est la base de tout. S'il a la science, il a taqwa Allah Azza wa Jal. En ayant la science, il sait ce qui est ordonné, il sait ce qui est interdit. Et au-dessus de tout ça, il sait à qui il obéit, il connaît celui à qui il obéit. Il prend conscience de la désobéissance envers celui qui a demandé de s'éloigner de ces choses-là. Comme disait Salaf al-Salah, les pieux prédécesseurs, qui eux baignaient dans la taqwa, dans la crainte d'Allah, ils ne manquaient pas de dire, les gens, au lieu de regarder ton péché, au lieu de regarder la grandeur de ton péché, regarde la grandeur envers qui tu as, la grandeur de celui envers qui tu as désobéi. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Marsiyah, c'est une chose, mais tu viens de désobéir à qui ? Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, celui qui t'a créé, celui qui a voulu te créer, celui qui sait si tu iras au paradis ou si tu iras en enfer, celui qui t'a tout donné, celui qui t'a protégé quand tu étais en danger, celui qui t'a donné la subsistance à manger et à boire, alors que tu avais faim et tu avais soif. Celui qui t'a permis de te reposer quand tu étais fatigué. Celui qui a envoyé les prophètes et les messagers. Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui, yom al-qiyamah, restera seul. Wahdahu la sharika lah. Celui envers qui on ne doit pas associer. Celui en qui tu te tournes lorsque tu es en état de faiblesse. Celui envers qui tu demandes pardon. Allah tabaraka wa ta'ala, le seul qui peut accepter ton repentir. Tu as beau demander pardon à tout le monde, il faut qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte ton pardon. Wattaqullaha wa yu'allimukum Allah. Craignez Allah et Allah vous augmentera la science. العلم النافع هو العلم من كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة والعمل به. La science ou l'amal, l'ilm ou l'amal. Inna l'insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, yani l'amal وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا الإيمان الإيمان بالعلم. الله عز وجل a dit l'homme qui aura sa perte, sauf qui? Celui qui croit, celui qui a une foi. Cette foi-là, il la tire d'où? Il a foi en quoi? Il faut avoir de la science pour savoir en quoi on doit avoir foi. Comme on a su qu'il fallait avoir l'iman billah, wal malaika, wal kutu, wal rusul, alayhi salatu wa salam, wal yum al-akhir, wal qadar fi khayri wa sharrihi. Comment on a su ça? Il a fallu qu'on apprenne. Cela se trouve dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il faut de la science pour croire. On ne croit pas comme ça ce que l'on veut, quand on veut. Non, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné et nous a informé ce dont en quoi on doit croire. Donc il faut de la science. Wa aminu salihat. Puis, après avoir cru, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de bonnes actions. Wa tawassaw bil haqq. Ils s'en joignent après avoir appliqué cette science et après avoir cru. Ils appliquent. Après avoir appliqué, qu'est-ce qu'ils font? وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ الدَّعْوَى. Ils s'enjoignent mutuellement la vérité. Ils prêchent. Mais avant de prêcher, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont appris et ils ont appliqué. On ne prêche pas sans avoir appris et appliqué. Celui qui n'a rien ne peut rien donner. Si quelqu'un vient et te dit « Donne-moi 10 euros », je ne sais pas les 10 euros. Tu ne vas pas les inventer, tu ne peux pas lui donner. كَذَلِكَ الْعِلْمِ. Celui qui n'a aucune science, comment veut-il donner la science aux autres? Avant d'enlever l'ignorance chez les autres, on enlève l'ignorance qui est chez soi, chez sa propre personne. Après, on pourra enlever l'ignorance qui est chez les autres. Et cela en commençant par les plus proches. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Puis ils enjoignent mutuellement la patience. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu vas prêcher, tu auras en face de toi des gens qui ne sont pas d'accord, qui ne partagent pas les mêmes avis, pas les mêmes idées. Comme tous les prophètes et les messagers. Alayhim salat wa salam. Donc il te faudra patienter. Wa taqwa sababun maghfira wa tamyiz bayna al-haqq wal batil. La crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala est l'une des causes qui vont te ramener le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu crains Allah azza wa jal, Allah azza wa jal, sache qu'il te pardonnera tes péchés. Et on en a tous besoin, wallahi, on en a tous besoin. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne ses fautes. Car tout le monde commet des fautes. Et le meilleur, c'est celui qui demande le pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. وَالتَّمِيزْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Non seulement il a le pardon des péchés, mais en plus il a quoi? La facilité de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais il y a un charte. Il y a une condition, c'est quoi on a dit? Taqwallahi azza wa jal. Tu te dois de craindre Allah si tu veux ces deux choses-là. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabi, ya ayyuhal ladhina amanu. On entend tous ces versets. Ya ayyuhal ladhina amanu. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il disait quoi? Lorsque vous entendez ya ayyuhal ladhina amanu, écoutez attentivement. Ou Allah tabaraka wa ta'ala va vous ordonner un bien, où il va vous interdire un mal. Ça rentre dans la taqwa. On a bien parlé de faire le bien et de ne pas faire ce qui est mal. Écoutez attentivement. Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui croyez, in tattaqullaha, si vous craignez Allah, yaj'al lakum furqanan, il vous donnera quoi? Le discernement. التمييز بين الحق والباطل بين التوحيد والشرك بين السنة والبدع بين الطاعة والمعصية. Vous donnera quoi? Le discernement. Le discernement entre ce qui est l'unicité d'Allah et ce qui est son contraire, le fait d'associer Allah Azza wa Jal. Car personne ne peut dire ana la ushirku billah. Là. Personne ne peut dire moi je ne fais pas shirk. Est-ce que tu connais toutes les formes de shirk? Est-ce que tu connais toutes les formes de shirk? Ash-shirk al-khafi, le caché, le khafi qui est caché, qui est comme une fourmi noire dans une nuit noire, sur une pierre noire. Yani, tu ne le vois même pas. À l'époque des tabi'in, à l'époque de la génération qui sont venues après Sahaba, quelqu'un est venu et a dit, qui a vu l'étoile filante hier soir? Et il y en a un qui a dit, moi je l'ai vu. وقال أو قال قال وما كنت في الصلاة. Il a rapporté une précision. Ça, quand tu le dis, il se peut que tu ne fasses pas attention à cette petite parole. Mais tu vas vite comprendre. Il a dit, je l'ai vu. Et il savait qu'elle était tard dans la nuit. Je l'ai vu, mais je ne priais pas. Je n'étais pas en état de prière. Je n'étais pas en train de prier. Tu vas dire, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de rajouter cette ziyade? Parce qu'il n'a pas voulu que ceux qui ont posé la question, et tous savaient que, du moins ceux qui ont vu cette étoile filante, que c'était tard dans la nuit. Il n'a pas voulu faire croire aux gens qui faisaient qiyam al-layl. Et d'ailleurs, il ne le faisait pas. Ça veut dire quoi? Regarde comment ça va loin. Comment ils ont compris le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas voulu avoir de l'ostentation sur une chose qu'il n'a jamais fait. Nous, on connaît l'ostentation sur des choses qu'on fait. Hein, tu pries dans la mosquée, il y a des gens qui rentrent. Tu allais réciter Qul Wallahu Ahad et tu te mets à réciter le Bahara. Hein? Tu disais sans tête juive, tout d'un coup, c'est parce qu'il te prend, tu commences à lire avec tête juive. Tu as l'habitude de dire Subhana Rabbi al-Azim trois fois, là, je sais pas, tout d'un coup, sept fois, ou neuf fois, ou plus. Il embellit sa prière devant les gens. Il embellit sa lecture devant les gens. Ar-Riya. Et ça, le prophète sallam, il a dit, j'ai plus peur pour vous de ça que Messer Dajjal. Alors qu'on connaît la fitna de Messer Dajjal. Donc regarde ce tabi'i. Al-Muwahid. Il n'a pas voulu avoir d'ostentation, Ar-Riya, sur une chose qu'il n'a même pas faite. Sur une chose qu'il n'a même pas faite. Donc ne crois pas que tu es à l'abri du shirk. Il aura cette distinction, celui qui craint Allah, entre ce qui est tawhid et ce qui est shirk, entre ce qui est l'unicité d'Allah et le fait d'associer Allah, qui est le pire des péchés. Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas ce péché. Il aura la distinction entre ce qui est sunnah et ce qui n'est pas sunnah. Parce qu'il a la science qui le permet. Il aura la distinction entre ce qui est l'obéissance à Allah et ce qui est désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a ça, wallahi hadi ni'ma, azima fi hadi dunya. C'est une grande ni'ma venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un don comme ça. On le reçoit par la science. Seulement par la science tu sauras ce qui est vrai de ce qui est faux. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Deuxième chose dans le même verset, al-furqan, le discernement. Puis il vous effacera vos péchés et vous pardonnera. Tu gagnes tout à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme on a dit, il y a toujours cette condition. Et sachez que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala mentionne Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, craignez Allah, tout ce qui suit fait partie de la taqwa. Et fait partie de l'Iman, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez. Donc il y avait cette foi. Faites ceci ou faites cela ou dites cela. Ou ne dites pas cela. Tout ce qui vient après ça fait partie de l'Iman, fait partie de la taqwa. Quand on écoute les versets d'Allah, il faut bien comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal te demande ici. Hein? Lorsqu'il te dit de craindre Allah, écoute ce qui est dit après. Tout ce qui est dit après, ça fait partie de taqwa, de la crainte d'Allah. Lorsque il te dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, tout ce qui suit fait partie de cet iman, de cette foi. Al-iman. À chacun d'être attentif à ce qu'Allah Azza wa Jal a mentionné. واتقوا الله عز وجل من أسباب الرزق. الله تبارك وتعالى te promet que si tu crains Allah سبحانه وتعالى tu auras quoi? الرزق, ta subsistance. يقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. Celui qui craint Allah, c'est Allah عز وجل qui le dit, celui qui craint Allah, nous allons lui trouver une sortie. Une sortie à quoi? À son besoin. Hein? Une sortie à son problème. Une issue. Et nous lui donnerons la subsistance par là où il ne s'y attend pas. Par là où il ne s'y attend pas. Or, les gens aujourd'hui, lorsqu'ils sont touchés par une fitna, qu'est-ce qu'ils font? Ils paniquent. Il court à droite, à gauche, ils appellent un tel, il va voir tel frère, tel. Wallahi, awwalan, at-tawhid. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala avant de demander aux gens. Comme a dit Cheikh Ibn al-Uthaymin, il a rahmé Allah. إذا تكون في يعني في الفتن في الفتن في الفتنة المصيبة اذهب إلى لا تذهب إلى الناس ولكن اقرأ القرآن اقرأ كتاب الله عز وجل صفات الموحدين l'une des attributs de ceux qui sont qui ont compris la ilaha illallah qui sont arrivés à se à comprendre cette parole que tout revient à Allah عز وجل et qu'ils en sont convaincus lorsqu'ils ont des problèmes المشاكل. La première chose qu'ils font, c'est de lever les mains, de demander à Allah, tabaraka wa ta'ala. La deuxième chose qu'ils font, c'est de craindre Allah. Attention, je demande à Allah, azzawajal, de me sortir de ce problème, de cette fitna qui touche moi ou ma famille ou autre, mais il y a des conditions. Je me dois de craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Or, les problèmes n'ont été résolus que par la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Toute la réussite des gens pieux, c'est à cause de leur taqwa, de leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ont réussi. Lorsqu'il y a eu désobéissance, cela c'est toujours mal fini. Donc tu te dois de craindre Allah subhanahu wa ta'ala si tu veux trouver solution à tes problèmes. Et en plus Allah azza wa jalla te dit quoi? Par là où tu ne t'y attends pas. Toi tu vas chercher par là, par là, par là, subhanallah, qaddar Allah ma sha'a fa'al, il y a quelqu'un qui vient un jour et te dit voilà. Voilà d'où elle est venue. Il est sabab. Il n'est qu'une cause et cela ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu veux trouver solution à tes problèmes, premièrement, demande à Allah. Deuxièmement, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Ne fais pas les interdits, fais ce qu'Allah t'a ordonné. Ça, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muttaqi, yaqul Allahu azza wa jal, wa man yattaqi Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Une autre promesse qu'Allah Azzawajal a tenue, et tu le vois à la trace dans ta vie, dans la vie du musulman, c'est la facilité. Allah Azzawajal a mentionné, celui qui craint Allah, nous lui rendrons les choses, ses affaires, faciles. Combien de gens veulent faire des choses, ils n'y arrivent pas. Ils n'ont que des méchakils. Pourquoi? Parce qu'avant de faire les choses, ils ne demandent pas. Combien de gens veulent ouvrir des commerces? Combien de gens veulent rentrer dans telle affaire ou telle affaire? Il ne se renseigne même pas comment est-ce qu'on fait ces choses-là. Qala l'imam Bukhari, rahimahullah, fi sahih, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et les actes. Tu veux faire quelque chose dans la dunya, tu demandes d'abord. Premièrement, est-ce que c'est halal ou haram? Est-ce que j'ai le droit de faire cette chose-là? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel, des gens de science, si vous ne savez pas. J'ai tel projet, c'est bon ou c'est pas bon? Si on te dit c'est bon, salatul istikhara, la prière de consultation. Et combien de frères dans leurs affaires ne font pas la prière de consultation? Et lorsque tu viens, tu lui dis, attends, avant de me raconter ton problème dans telle histoire, est-ce que tu as fait l'istikhara? Ah là là, non c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Dua istikhara, qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes à Allah Azza wa Jal avant de faire la chose, si elle a un bien pour toi dans cette dunya et dans l'au-delà, pour toi et ta religion, qu'Allah te l'accorde et qu'il te la facilite. Si c'est un mal pour toi dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et pour ta religion, qu'Allah t'en éloigne et qu'il te donne quelque chose de mieux. Dua al-istikhara. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il faisait l'istikhara pour acheter quoi? Des chaussures, des sandales. Pour une petite chose. Or, nous, pour des choses très très importantes qui concernent notre vie, quelquefois, on ne fait pas l'istikhara. Al-ajala. Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-ajala tu min al-shaytan. On se précipite. Alors, tellement on veut la chose qu'on se précipite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a prévenu. La précipitation vient du diable. Ceux qui se précipitent le plus, ce sont les jeunes. Car les personnes âgées ont l'expérience. Ils ont déjà fait ces erreurs-là. Là, ils te diront, hop, hop, hop, hop. Attends un petit peu, attends un peu. Attends que ça se règle, ça se règle. Ils ont l'expérience. Les fautes, ils les ont fait quand? Au même âge. Or, les jeunes, on se précipite. Dans tout. Pour le mariage, pour le commerce, pour ça, pour ça. Ne te précipite pas. Fais salat al-istikhara. Allah Azza wa Jal sait mieux que toi où se trouve le bien et où se trouve le mal pour toi. Et la condition, at-taqwallahi Azza wa Jal. Taqwallahi Azza wa Jal. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux la facilité dans tes choses, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Wad-du'a. Les invocations du matin et les invocations du soir. Ahri, je ne me sens pas bien, j'ai tel problème, quelquefois je crois qu'on m'a porté l'aïn, ou là on m'a fait quelque chose, ou là. Tu fais tes du'as du matin et du soir? Non. Voilà l'istikhara, voilà le du'a. Tu fais ni l'istikhara, ni le du'a. Comment tu veux? C'est normal qu'il t'arrive des choses, Ahri. Celui qui accomplit la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne lui arrivera que du bien. Allah Azzawajal n'a pas donné ses recommandations pour qu'il t'arrive un mal. Allah tabaraka wa ta'ala t'aime plus que toi tu t'aimes. Subhanahu wa ta'ala. Al-Muslim adim indallahi subhanahu wa ta'ala. Le musulman est grand auprès d'Allah, il est sacré auprès d'Allah. La preuve, c'est qu'il lui a donné des droits. Lorsque tu le croises, tu lui passes le salam. S'il passe le salam, tu es obligé de répondre au salam. Il est malade, tu vas le visiter. Il éternue et dit Alhamdulillah, c'est son droit. Tu dois lui répondre, Ya Rahmukallah. Il lui a donné des droits. Tu n'as pas le droit de parler sur lui. Tu n'as pas le droit de monter un musulman contre un autre musulman. Ou un groupe de musulmans contre un groupe de musulmans. Ton frère musulman a besoin de quelque chose, tu lui donnes tous les droits qu'Allah Azza wa Jalla a donné aux musulmans. Pourquoi? Parce qu'il est sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et prends garde à toi de médire ou de faire du mal à quelqu'un qu'Allah Azza wa Jalla aime. Les gens ont voulu faire du mal à ses prophètes et à ses messagers, alayhi salat wa salam. Regarde où est-ce qu'ils ont fini. Pharaon, qui s'est pris pour un rab, pour un seigneur, il a fini noyé. Jusqu'à ce que Jibril a pris de la terre et lui a mis même dans la bouche. Il a fini humilié. Chaque ennemi d'un prophète a fini humilié, sauf ceux qui se sont repentis. Prends garde à toi que tu touches à un homme qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les gens qui insultent les savants. إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Ceux qui craignent le plus Allah, ce sont qui? Les savants. Comment toi, tu viens d'arriver, tu insultes les savants? Tu étais dans les mille et un péchés que eux, ils étaient en train d'écrire des livres pour que tu puisses apprendre comment on fait la prière pour toi des années plus tard. Et tu trouves le moyen de rigoler sur les savants et de les critiquer et de les insulter, alors qu'ils sont le seul moyen d'acquérir la science. Ils sont le seul moyen, ils sont l'intermédiaire entre le prophète Mohammed et ses compagnons et nous. Car ils le connaissent mieux que quiconque. Et ils connaissent les compagnons mieux que quiconque. Ils sont le seul moyen pour que tu puisses acquérir, puisqu'on y est, taqwallahi azza wa jal. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui craignent le plus Allah, ce sont eux en plus. Donc chacun doit rester à la place où il est. Hein? Et il ne doit pas croire que... il ne doit pas se croire au-dessus de ce qu'il est en vérité. التقوى يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وهو كي قواني كرني الله à sa juste valeur. سبحان الله. Lequel d'entre nous va être capable de craindre Allah à sa juste valeur? سبحان الله. Craindre Allah à sa juste valeur. Celui qui sait ce qui est Allah تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته il se dira, mais j'y arriverai jamais. Craindre Allah, sa juste valeur, comme il doit être craint, au summum, à la perfection, il se dit, j'y arriverai jamais. وَيَقُولَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans un autre verset, craignez Allah comme vous le pouvez. Mais attends, dans un verset, on me dit de craindre Allah à sa juste valeur, حَقَّ تُقَادِ, à sa juste valeur, au summum. Mais dans une version, on dit de craindre Allah comme je peux. Al-ma'na, ittaqullaha haqqa tuqati bima istata'tu. Jam'u. On rejoint les deux versets. Sachez que dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète, jamais un texte religieux peut contredire un autre texte. Il y a forcément un moyen de les réunir. Et cela est connu dans beaucoup de hadiths et beaucoup de versets. Comme par exemple, deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الحديث في الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله مكة يوم خلق السماوات والأرض. يوم خلق السماوات والأرض الله rendu la Mecque sacrée le jour il a créé les cieux et la terre. ولا الناس et c'est pas les gens. يعني ce ne sont pas les gens qui l'ont rendu sacré. حرم الله مكة يوم خلق السماوات والأرض ولا الناس. والحديث الأول وهو الصحيح. الثاني وهو الصحيح حرم الله حرم إبراهيم مكة لكن هو من الناس. Dans le deuxième hadith, le prophète m'a dit Ibrahim a rendu sacré la Mecque. Mais Ibrahim ne fait-il pas partie des gens? Dans le premier hadith, on nous dit que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a rendu sacré la Mecque. Et c'est pas les gens. Dans le deuxième hadith, on nous dit Ibrahim, et Ibrahim fait partie des gens. Al-jam'u bayna al-hadithayn. Comment joindre ces deux hadiths? Et ça, wallah, il n'y a que les gens de science qui le font. Ils ne tombent pas dans des shubuhat. Nous, pour nous, ça va durer. Si je ne donne pas la réponse là, on se revoit dans un mois, on ne sait pas s'il y en a un de nous qui va trouver. Tu la poses à un chien, il va te répondre tout de suite. Bismillah. حرم الله مكة يوم خلق السماوات والأرض ولا الناس وحرم إبراهيم مكة يعني بالمعنى حرم الله مكة وحرم مكة بلسان إبراهيم. الله عز وجل a rendu la Mecque sacrée et personne n'en a été informé parmi les gens. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla en a informé les gens? Par la langue de son prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc Allah de lui-même a rendu la Mecque sacrée. Et ce ne sont pas les gens qui l'ont rendu sacrée. Mais il l'a fait savoir aux gens par l'intermédiaire de son prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et il y a encore beaucoup de textes comme celui-ci. Hein? Sachez que le verset du Coran ne contredit pas un autre verset du Coran. Un verset explique un autre verset. Un verset est expliqué par un hadith du prophète sallam. Hein? Sachez que il n'y a pas de contradiction dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une règle. Tu te dois de la garder. Ou tu as mal compris, ou tout simplement nous sommes ignorants. Mais il y a forcément une réponse à cette ambiguïté. Donc ici, craignez Allah à sa juste valeur comme vous le pouvez. Fais ce qu'Allah t'a ordonné, ne fais pas ce qu'Allah t'a interdit. Allah t'a ordonné la prière. Je ne peux pas prier debout, je suis malade. Prie assis. Je ne peux pas prier assis, je suis encore plus malade. Allonge-toi. C'est ce qu'a enseigné le prophète. Là, tu crains Allah comme tu le peux. Je ne peux pas jeûner le mois de Ramadan qui arrive bientôt. Je ne peux pas jeûner le mois de Ramadan, je suis diabétique. Tu ne jeûnes pas. Si le jeûne te ramène un mal sur ton corps, il t'est interdit de jeûner à toi. Là, tu crains Allah comme tu le peux. Et non pas l'exagération. Combien de gens malades, combien de femmes qui sont enceintes, elles se disent non, je suis obligé de jeûner. Alors je jeûne et sa santé est en péril, jusqu'à même certains meurent ou certains sont atteints de grandes maladies et finissent à l'hôpital. Mais attention, le juste milieu. On ne tombe pas non plus dans l'autre excès. Ben moi je fais rien. Moi je peux pas, donc je fais rien. Là, il y a rien. Dans ce qui est le bien, fais ce que tu peux. Dans ce qui est le mal, abstiens-toi. Tu te dois de t'abstenir. Taïe. At-taqwa, comme on a dit, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette piété d'Allah envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle se fait en tout temps et en tout lieu. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتق الله حيثما كنت. Crains Allah où que tu sois. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est pieux? C'est lorsqu'il craint Allah en tout temps et en tout lieu. Il est facile de craindre Allah devant les gens. Jamais ici, par exemple, à la mosquée, quelqu'un va se permettre de faire une chose qu'il a l'habitude de faire et qui est mauvaise. Jamais. Il y a des gens autour de lui. Le vrai muttaqi, le vrai muwahhid, c'est celui lorsqu'il est tout seul. Il est tout seul. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa as-sami' al-basir. Qu'Allah le voit et qu'Allah l'entend. C'est ce qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'ihsan. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Comme si tu le voyais. Si tu fais comme si Allah, comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que tu ne le vois pas, est-ce que tu vas te permettre de faire le haram? Wallahi là, tu ne bougeras pas. Tazkur Allah azza wa jal. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il a cité juste en dessous? Le niveau inférieur. Le niveau qui est juste en dessous. Le premier niveau, c'était quoi? Tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Ça, c'est le niveau qui est en dessous. On descend d'un cran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il te disait, crains Allah comme si tu le voyais. Tu n'y arrives pas encore? C'est trop élevé? Alors crains Allah et sache que lui, il te voit. Sache que lui, il te voit. Un homme voulait faire la fornication et l'adultère avec une femme. Il vint à elle et il lui dit, ferme toutes les portes de la maison. Comme ça, personne ne nous verra. Elle ferma toutes les portes de la maison. Lorsqu'il est arrivé pour commettre son péché, il lui a dit, est-ce que tu as bien fermé toutes les portes? Elle a dit, toutes, sauf une. C'est quoi cette porte? Je t'avais dit de fermer toutes les portes. Al-babu bayna rabbi baynana wa bayna rabbil alamin. La porte qui est entre eux, le Seigneur des mondes et nous. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Cette porte-là, je ne peux pas la fermer. Et elle lui a dit taqillah, crains Allah. Dans une autre riwaya, un homme a pris une femme, il est parti en plein désert. Il n'y a personne. Il lui a dit, la personne ne nous verra, illa al-nujum, sauf les étoiles. Wa qalat, wa ayna rabbu al-nujum. Et le seigneur de ces étoiles, il est où? Lui, il ne nous voit pas, lui? C'est ça la vraie crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les frères, il ne suffit pas de craindre Allah devant les gens. Ça, c'est chose facile pour chacun d'entre nous. Mais de craindre Allah, tabaraka wa ta'ala, quand tu es tout seul. C'est ça la vraie crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là qu'on voit ce que tu vaux dans la foi, dans la crainte. Quand les problèmes arrivent, quand tout va bien, c'est facile d'être bien. C'est facile de dire Alhamdulillah Rabbil Alameen. Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas mentionné des gens? Ya'budun Allah ala harf. Ils adorent Allah sur quoi? Sur une lettre, c'est-à-dire sur rien. À la moindre épreuve, ils lâchent leur religion. Ils délaissent la sunnah. Ils n'ont plus cette espérance, ils n'ont plus cette crainte. Mais sache que si tu en es arrivé là, c'est quoi? C'est qu'il a manqué les fondations. Al-usul, usul al-din, les fondements de la religion, les fondements de la foi. C'est bien d'apprendre à faire la prière, c'est bien d'apprendre comment jeûner, ce qui annule le jeûne, etc. C'est bien d'apprendre comment on donne sa zakat, c'est bien d'apprendre comment on fait le pèlerinage, c'est bien d'apprendre ce qui est sunnah, ce qui est bid'ah. La première chose que tu apprends, c'est à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comme disait un ahadu min as-salaf, les gens sortent de cette dunya, ils ne savent pas, yani kharj min ad-dunya, yani al-mout. Comment on sort de cette dunya? On meurt. Et ils n'ont pas goûté ce qu'il y a de meilleur. Yani ce qui est de meilleur. Alors ils lui ont dit, c'est quoi? Ya Aba Yahya. Toi, Abu Yahya, c'est quoi cette chose-là? Qala, ma'rifatullah. Il a dit, c'est la connaissance d'Allah. Tu veux t'éloigner des péchés, tu veux t'éloigner de tes vices, que cette neuf celle-là, et qu'elle ramène à chaque fois, il n'y a que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que la connaissance d'Allah qui te fera t'éloigner de ces choses-là. Aïe. Après avoir expliqué en gros cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et les fruits qu'il y a dans cette crainte d'Allah, sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a demandé de le craindre, mais de craindre certaines choses dans cette dunya. Et craindre ces choses fait partie de la crainte d'Allah en elle-même. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Et craignez Allah, celui qui vous a demandé de garder les liens de parenté. Les liens de parenté. Garder les liens de parenté fait partie de la taqwa, fait partie de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, ja'a rajulun ila Abdullah ibn Abbas wa qala lahu, Un homme, il est venu voir Abdullah ibn Abbas, il lui a dit, j'ai demandé une femme en mariage et elle a refusé. Et le pire, c'est qu'elle, juste après, elle s'est mariée avec un autre homme. La rage m'a pris, je l'ai tué. Subhanallah. Il a tué une âme. Alors il vient voir Abdullah ibn Abbas. Il lui dit, comment je peux me faire pardonner? Il lui a dit quoi? Est-ce que ta mère est vivante? Ah là là. Il a dit non. Il a dit, alors fais taouba. Demande le pardon d'Allah et rapproche-toi d'Allah, bimastatahta, comme tu le peux. Or, il y a un sahabi qui a assisté à la scène. Et lui, il y a quelque chose qui a attiré son attention. Quand on te dit que as-salaf as-salih, lâche rien. Il n'y a pas une petite mes'ala ou une petite chose que... Non, non. Là où ils peuvent prendre la science, ils la prennent. Ce qui a tilté chez lui, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il lui demande si sa mère est vivante? Qu'est-ce que ça vient faire maintenant? Alors il va le voir. Il lui a dit, tu lui as demandé pourquoi sa mère est vivante. Dis-moi pourquoi. Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhu, lui a répondu, Wallahi, ana la a'lam. Et regarde, tawadu. Il n'a pas dit, il n'y a pas. Il a dit, moi je ne connais pas une chose qui te rapproche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala que le bien envers la mère. Wa qala ana la a'lam. Le tawadu. Par humilité. Il n'a pas dit, il n'y a pas une chose qui rapproche plus d'Allah que le bien envers la mère. Il a dit, non, moi je ne connais pas une chose. Selon la science que j'ai, selon ce que je sais, et tout le monde connaît Abdullah ibn Abbas pour sa science, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui, qu'il comprenne le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit quoi? Il n'y a pas une chose qui te rapproche plus d'Allah que le bien envers la mère. Et c'était quoi le péché de l'autre? Il a tué quelqu'un, subhanallah. C'est pas un petit péché, mais un kabaïr. Abu Huraira radiallahu anhu, sa mère était une chrétienne. Il n'a cessé de lui faire da'wah. Malgré qu'elle était chrétienne, elle n'était pas musulmane, il faisait da'wah. Et il n'a jamais lâché. Alors il est venu voir le prophète, et il lui a dit quoi? Il lui a dit, faites dua pour moi et ma mère. Faites dua pour ma mère. La première fois, c'était quoi? Faites dua pour ma mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua. Il est rentré chez lui, wa qalat ana aslamtu. Je me suis converti. Mon fils, je me suis converti. Tout de suite, il est reparti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était content. Qui ne serait pas content? Il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, faites dua pour moi et ma mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette dua? Fais de Abu Huraira et sa mère les gens les plus aimés des gens, parmi les gens. Fais de ces deux-là les plus aimés parmi les gens. Abu Huraira radhiyallahu anhu disait, juste après ça, je n'ai pas croisé un juif ou un chrétien, ce que quand il me voit, il m'aime. Parce que le Nabi dans la dua, il a nommé tous les gens. Dua mustajaba, quand un prophète fait une dua, il exaucer. Regarde le bien envers sa mère, alors qu'elle était chrétienne, et encore plus quand elle était musulmane. Lorsqu'il est venu la voir, il lui a dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il n'a pas dit Assalamu alaikum fakat. Il lui a dit quoi? Par respect pour la mère. Il lui a donné le summum de la récompense. Vous savez très bien que quand on répond Alaikum salam wa rahmatullah, ça nous fait 20 hasanat. 10 hasanat pour Alaikum salam wa rahmatullah, plus 10, wa barakatuh, plus 10, wa ziyad. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Afin que sa mère ait le summum de la récompense quand elle va répondre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma qala assalamu alaikum fakat. Donc il a voulu du quoi? Ziyadatul khir li ummihi. Il a voulu que il a voulu donner plus de hasanat pour sa mère. Abu Huraira radhiyallahu anhu, il a vu un homme marcher avec son fils. Au début, il a vu deux hommes. Il lui a dit, celui-là, c'est qui pour toi? Qala abi, c'est mon père. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne l'appelle pas par son prénom. Par respect. Ne marche pas devant lui et ne t'assieds pas avant lui. L'akhlaq wal adab. Pourquoi tous ces bienfaits envers les parents? Pourquoi est-ce que ça fait partie de la crainte d'Allah? Lianna al-ab wal-um. Le père et la mère sont la cause de ton existence. Hatta qala ba'd al-mashayikh min ahli al-'ilm. Jusqu'à même certains parmi les savants mentionne que même si tes parents ils sont pas, ils pratiquent pas trop la religion, si toi tu la pratiques comme il faut, tout ce que tu fais, ils ont le hasanat. Pourquoi? Parce que c'est, ils sont la cause de ton existence. Si on enlève ton père et ta mère, il n'y a plus de cause. Ils sont la cause de ton existence. Rien que pour ça, indoum al-hasanat. Même si les parents sont mushrikoun, il y a les nasara, l'adal ou l'akhlaq. Comme il dit Cheikh Abd al-Razzaq, hafidallah, quand la personne fait da'wah, elle doit être convaincue qu'il se peut que la personne à qui tu fais da'wah, elle rentre dans l'islam. Elle embrasse cette religion. Tu dois partir avec ça. Dans ce cas-là, pourquoi tu fais da'wah si tu n'es pas convaincu qu'Allah Azzawajal peut la guider? Subhanallah. Regardez le prophète, quand il est parti à Taïf, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont jeté des pierres jusqu'à ce qu'il saigne. Un ange est venu, il a dit, si tu veux, la montagne sur eux, on n'en parle plus de ce peuple-là, avec le mal qu'ils t'ont fait. Ah là là, non. Pourquoi il dit non? La réponse est dans, juste après. Parce que j'espère que sortira de leurs descendants des gens qui diront, là, il a la règle. Ça veut dire que dans sa da'wah, le prophète, il part déjà à l'avance en étant convaincu que des personnes peuvent embrasser cette religion. Le da'i, celui qui prêche, il doit convaincre le mushrik d'abandonner son shirk pour tawhid. Il doit convaincre le kafir d'abandonner son kufr pour revenir à l'islam. Il doit convaincre al-muqtadir qu'il revienne à la sunnah. Il doit convaincre le fasir qu'il revienne à la ta'atillahi azza wa jalla. Tout ça en ayant convaincu qu'Allah voit et entend tout, qu'Allah le voit et l'entend au moment où il parle, au moment où il prêche. Amam al-malaika wa mumkin al-jinn. Devant des anges qui sont dans les assises religieuses. Fi buyutillahi azza wa jalla. Dans les maisons d'Allah, dans les mosquées. Et ça, le croyant doit en être convaincu. Donc lorsque tu fais da'wah à tes parents, même s'ils ne sont pas sur le haq, tu te dois de patienter. Et combien de jeunes font l'erreur? Ça y est, elle embrasse l'islam, dès qu'il rentre chez lui, c'est des cris, c'est la guerre. C'est... Qui va accepter une parole de toi lorsque tu cries? Personne. Même toi, tu ne l'accepterais pas. Cela rentre dans les liens de parenté, de ne pas couper les liens de parenté. Comme a mentionné le prophète, couper les liens de parenté, c'est parmi les grands péchés. Mais comment on voit garder les liens de parenté? C'est lorsque ceux d'en face les coupent. C'est ça, garder les liens de parenté. Comme on a dit, quand tout va bien, c'est bon. Mais quand ton père te dit, tu n'es plus mon fils, c'est là que tu dois dire, bah, toi, tu restes mon père. Et il n'appartient pas à un musulman de couper les liens de parenté. Wa qala Allahu azza wa jalla, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar. Parmi la crainte d'Allah et de craindre les choses, c'est de craindre le feu de l'enfer. Al-jahannam. Makhlouq, il est une créature d'Allah. Il a reçu un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de brûler. Voilà sa ibadah, lui. Kullu ma amara Allahu azza wa jalla, ibadah. Tout ce qu'Allah ordonne, c'est une ibadah. Allah azza wa jalla a ordonné des choses à l'enfer, il a ordonné des choses au Jannah, il a ordonné des choses aux anges, à l'être humain, etc., etc. Son ordre, c'est quoi? C'est de brûler, c'est de châtier les gens, cet enfer-là. Et il existe maintenant, alors on parle, il existe. Il a été préparé, ça y est. On parle au passé. Allah tabaraka wa ta'ala a créé cet enfer. Allah Azza t'a demandé quoi? Craignez cet enfer. Ça veut dire quoi? Éloignez-vous de tout ce qui peut vous faire entrer en enfer. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous faire entrer en enfer. Wa salafu salih, les pieux prédécesseurs. Regardez comment ils préparaient al-maut, car ne te sépare de l'enfer que la mort, ne te sépare du paradis que la mort. Le prophète l'a mentionné dans le hadith, qu'est-ce qui était mentionné? Plus près que le lacet de vos chaussures. L'enfer et le paradis sont plus près de vous que les lacets de vos chaussures. Pourquoi? Seule la mort te sépare de ces deux destinations. Salman al-Farisi, rahimahullah, radiallahu anhu, où le prophète a dit de lui, il est le meilleur des Perses. Comme il a dit de Bilal, il est le meilleur des Éthiopiens. Salman al-Farisi, il sentait qu'il allait mourir, il était dans les agonies. Il appelle sa femme, il lui dit quoi? Il y a deux versions. Mets du musc, du parfum, sur chaque porte de la maison. Dans une autre version, prends du musc maison sur moi et maison tout autour de mon lit. Car ce soir, je reçois des invités, laïsou min al jin, wala min al ins. Je reçois des invités qui ne sont ni parmi les gens, ni parmi les djinns. Manhum, Malik al-Mut, al-Malaika, al-Yaqin, as-Salaf Salah nous ont fortement dépassé là-dedans. Et c'est ça qui a fait d'eux des hommes. C'est la certitude dans tout ça. Ils en étaient, ils avaient cette véracité dans leur cœur de cette religion et de tout ce qui est de l'invisible. Je reçois des gens qui ne sont ni les gens, des invités qui ne sont ni parmi les hommes, ni parmi les djinns. Il parlait de l'ange de la mort. Il prépare sa mort. Al-Maut. Il l'a préparé. Il sait que ça y est, il part dans l'au-delà. Jusqu'à ce que l'un de ses amis, après sa mort, arrivait de lui. Et lui a dit, comment se trouve ta demeure dans le rêve? Il a répondu, Wallahi alhamdulillah, kullu bi khair, je n'ai que du bien. Et il lui a répondu, je n'ai que du bien, mais il y a une chose à laquelle tu dois te tenir, al-yaqin, tiens-toi à la certitude. Puis il s'est réveillé. Tiens-toi à la certitude, al-yaqin. Tout ça fait partie de la taqwa, la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وقال الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله craignez un jour où vous retournerez tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun d'entre nous n'est éternel, tout le monde rendra ses comptes. C'est pour ça, les ikhwa, réglez vos comptes avant qu'on vous les règle. Vous avez des différends entre vous, réglez-les, parce que yawm al-qiyamah, il n'y aura pas d'arrahma entre vous. Chacun pensera à soi-même. La mère, elle laissera son enfant. La mère, elle laissera son enfant. Ton père ne te pardonnera pas, Yom Al-Qiyama, tellement il aura peur. Le fils, il ne pardonnera même pas à son père, tellement il aura peur. Vos comptes, vous devez les régler ici-bas. C'est vrai, j'ai parlé sur toi, je te demande pardon et pardonne-moi. Parce que Yom Al-Qiyama, tu vas lui donner ta hasanat. Si tu en as, al-muflis, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé à Sahaba, c'est quoi le muflis? Vous savez c'est quoi le mouflis? Le mouflis yom al-qiyama, c'est celui qui croit qu'il vient avec des hasanat, parce qu'il a fait le hajj, il a fait l'umrah, il a fait des sadaqat, il a le yatloub al-ilm, il a fait l'amal al-salih, il a fait des bonnes actions. Alors il croit qu'il a des hasanat. Mais malheureusement, il a parlé sur beaucoup de gens. Il a fait du mal à beaucoup de gens. Il a été dhalim, il a été injuste. Et ces gens-là viennent yom al-qiyama, tu me dois quelque chose. Donne-moi ta hasanat. Et il lui donnera leur hasanat. Et il donnera. Et il donnera un tel. Et il donnera un tel. Et un tel. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de hasanat. Ça veut dire qu'il a quoi? As-sayyat. Tu vas dire quoi après? Il va donner sayyat? Là, wallah, il a. Il prend les sayyat des autres. Ziyadatu shar. Ziyadatu l'azab. Finar al-jahannam. Et bien, il prend les sayyat des autres. Il soulage les autres. Hassan al-Basri, rahmallah, un jour il vient avec un plateau et il l'offre à quelqu'un. L'autre lui dit, oui, merde. Il lui dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, tu vas parler sur moi, donc tu m'as enlevé mes péchés. En récompense, je t'offre ce cadeau. Farhan. Nous aujourd'hui, ouais, il a parlé sur toi, mais il se prend pour qui? Va lui faire nasiha. Tu lui dis, écoute, t'as parlé sur moi, c'est une chose. Inch'Allah, je te pardonne. Bi'idnillah. Deuxièmement, t'as commis un péché, alors je te fais une nasiha. Parce que j'ai vu un naqs chez toi, j'ai vu un manquement chez toi. Ad-din un nasiha. Aujourd'hui, les frères se regardent, chacun regarde les péchés de l'autre. On voit les péchés, mais on ne voit pas les manquements, les bonnes choses. Il voit le péché, mais il ne dit rien. Et tout le monde parle. T'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'il a dit. Il n'y en a pas un qui est parti. Or, salaf al-salah, lorsqu'il voyait un manquement chez quelqu'un, il choisissait le meilleur d'entre eux pour pouvoir aller voir la personne. On ne va pas envoyer quelqu'un qui crie ou quelqu'un il est nerveux. On va envoyer quelqu'un de calme, quelqu'un qui a la sagesse, qui voit les choses de loin, il va lui parler tranquillement. Il va lui parler tranquillement. Mais celui qui voit un manquement chez son frère, il va le voir et lui explique tranquillement. Aujourd'hui, il faudrait qu'on reçoive que des éloges. Non? T'as des manquements, le fait de te parler de ces manquements, ça va ramener quoi? La perfection. ça va ramener la perfection. Quand tu veux gagner une course, ton vélo il est un peu dégonflé, tu restes comme ça. Tu ne peux pas la gagner cette course avec un vélo comme ça. Il va falloir parfaire la chose. Hein, il y a un manquement, il va falloir boucher ce manquement. Or, il se peut quelquefois que nos manquements, on ne les voit pas. Hein, on est dans un cocon, on ne voit pas nos erreurs. On a dit des erreurs, on ne s'en est pas aperçu. Mais l'autre qui est devant a une vue globale. Il voit ce que tu fais. Comme toi et ton enfant. Quelquefois, tu vois ton enfant, il va vers la bêtise qu'il va faire. Toi, tu le vois de loin. Hop, hop, hop. Mais tu as une vue globale. Lui, l'enfant, il est dans son monde. Il est dans ce qu'il est. Il y a des gens tellement ils sont dans leur péché qu'ils sont dedans, ils baignent dedans. Ils ne se rendent même plus compte de à quel niveau ils sont descendus. À nous qui sommes de l'extérieur, Inch'Allah, de les remonter. Comme à celui qui est au-dessus de nous, de nous tendre la main, de nous tirer. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. وقال النبي صلى الله عليه وسلم on a bientôt fini إن شاء الله فاتقوا الدنيا واتقوا النساء craignez la vie d'ici-bas وفتنة النساء المرأة فتنة للرجال. Le prophète sallam parle ici de la dunya en général, les biens de cette dunya, l'argent, l'amour de l'argent, l'amour des biens d'ici-bas. Il n'y a aucun mal à utiliser les biens d'ici-bas. On n'est pas dans l'exagération non plus. Comme des gens qui te disent, tu fais ton hajj, tu fais à pied, tu fais pas en avion. D'où tu sors ça? Le musulman, il vient avec son temps. Tant que je ne commets pas de péché, cela m'est permis. D'autres vont venir et vont dire, c'est une bid'a. Non, la bid'a ne touche que ce qui est religieux. Que ce qui est religieux. Tu me dis avec ça, je me rapproche d'Allah. Et c'est ni dans le Coran, ni dans la sunna. Là, c'est une bid'a. Mais le téléphone portable, le micro, la voiture, c'est une bid'a, mais dans la dunya, cela est permis. Des compagnons viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et disent, nous on fait des dates, hein, s'occuper des datiers. Montre-nous comment on fait, à ton avis comment on fait. Il leur a dit, c'est votre domaine, vous faites comme vous voulez. C'est bien la chose que cela est permis tant que ça touche la dunya. Or, les choses de la dunya, tu as le droit de les prendre, mais à partir du moment où elles t'empêchent d'appliquer la religion, où elles prennent le dessus sur la religion, tu te dois d'arrêter. Car la religion est ce que tu as de plus sacré. Là, tu te dois d'arrêter. والنساء فتنة النساء الزنا والعياذ بالله الله تبارك وتعالى a ordonné ولا تقربوا الزنا n'approchez pas la fornication, l'adultère. N'approchez pas. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans chaque ibn Adam, dans chaque fils d'Adam, il y a une part de zina avec l'oreille, avec l'œil, avec la bouche, la parole, avec les pieds, avec la main et le reste du corps. L'imed. Et ceux qui sont le plus touchés par ça, al-shabab, les jeunes. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a demandé à celui qui ne peut pas se marier? Qu'il jeûne, siyam, qu'il jeûne. Il se doit de jeûner, de patienter, de faire du dhikr. Le mariage à la base, il est mustahab, il n'est pas obligatoire, il est recommandé. Mais si l'être humain, le frère ou la sœur, a peur de commettre le péché de l'adultère ou de la fornication sur elle-même, sur lui-même, le mariage devient obligatoire pour lui. Pourquoi ? Ijtinab al-haram wajib. Sabab ou ijtinab al-haram wajib. S'éloigner du haram, c'est obligatoire. La cause qui va venir pour empêcher que tu tombes dans ce haram, à partir de ce moment-là, elle devient obligatoire. Or ici, c'est le mariage. Et tout se fait d'une manière correcte. Si tu crains Allah, Allah te facilitera le mariage. Si tu ne crains pas Allah, tabaraka wa ta'ala, hein, comme un frère un jour qui vient voir un imam et qui lui dit, là tu vas me marier parce que sinon je vais aller faire zina. C'est quoi cette parole, subhanallah al-azim? Ittaqillah. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam n'est pas responsable de toi. Il peut te faciliter les choses, mais de venir à dire, si tu ne le fais pas, je vais aller faire zina. Si tu vas faire zina, l'imam, il n'a rien du tout. Le frère, il n'a rien du tout. Tu prendras ton péché, yahi. Et espère qu'Allah azzawajal te pardonnera. Espère. Mais espère aussi du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. والتقوى على كل حال سبب دخول الجنة. وأين التقوى في هذه الدنيا؟ في مجالس العلم، في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Comment tu vas trouver cette taqwa? Tu vas trouver dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète, mais en restant avec al-muttaqin. Tu veux t'imprégner de cette taqwa? Tu veux craindre Allah subhanahu wa ta'ala? Reste avec les gens qui sont pieux. Si tu restes avec des gens qui sont dans les péchés, tu tomberas avec eux. Et tu n'as droit de rester avec eux que si tu les conseilles. Ça s'arrête là. Mais si tu restes avec eux, tu ne dis rien, tu seras compté parmi eux. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné. Reste avec les gens pieux. Reste avec les gens qui apprennent la science. Reste avec les gens qui sont sur la piété. Reste dans les assises où le nom d'Allah est rappelé. Où le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est rappelé. Où la vie de salaf ou salaf, as-sahaba radiallahu anhum est rappelée. Imprègne-toi de leur vie. Imprègne-toi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne suffit pas de manger comme lui, ou de boire comme lui, ou de s'allonger comme lui. قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ثلاث مرات. La foi, la crainte d'Allah, elle est dans le cœur. Mais on ne va pas à l'autre extrême. Hein? Quelqu'un il fait des péchés, tu lui dis التقوى et tu lui dis التقوى ها هنا. Après, la crainte, elle est dans le cœur. Non. إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد فسد الجسد كله. Si le cœur il va bien, tout le reste du corps va bien. Si le cœur est mauvais, tout le reste du corps est mauvais. تقوى الله يا عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالتقوى الله أوصيكم بالتقوى الله. Je vous recommande la crainte d'Allah. Il n'y a pas une khutba de Jumu'ah sans que le prophète mentionne la crainte d'Allah. Tellement c'est une chose importante. Tellement elle englobe toute la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun se doit de comprendre ce qu'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'appliquer cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se doit de savoir ce qui est obligatoire pour lui, ce qui est interdit pour lui, de s'éloigner de ce qui est interdit, faire son possible de faire pour faire ce qui est demandé. Et bientôt le mois de Ramadan arrive, wa yaqul Allah subhanahu wa ta'ala ya kutiba alaykum as-siyam kama kutiba 'ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit à ceux qui étaient avant vous. Hein? Pourquoi est-ce qu'il a dit Allah tabarak wa ta'ala comme on a prescrit à ceux qui étaient avant vous? Yani, ce fut dur. C'est dur le jeûne, c'est pas facile. Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir jeûné. Ceux qui étaient avant vous aussi. Et Allah Azza wa Jalla connaît parfaitement sa création. Il sait très bien, et chacun d'entre nous le sait, quand il y a un autre qui est dans la même difficulté que toi, ça soulage. Ça, c'est vrai. Quelquefois, tu vois quelqu'un a un problème, l'autre il a le même. Ah, toi aussi, subhanallah. Et là, tu vois quoi sur le visage? Comme des sourires. Ah, t'es comme moi. On est dans le même problème. Ça soulage. Allah Azza wa Jalla connaît sa création. Voilà pourquoi il précise. Vous allez jeûner, mais sachez que vous n'êtes pas les seuls à avoir jeûné. Ceux qui étaient avant vous aussi ont enduré cette difficulté, mais seul Allah tabaraka wa ta'ala rend les choses faciles. Et la sagesse du jeûne, c'est quoi? La'allakum tattaqun. Peut-être allez-vous atteindre la piété, at-taqwa. Donc pendant le mois de Ramadan, tu feras des choses en plus, tu feras encore plus de bonnes actions, et tu t'éloigneras encore plus de ce qui est haram. Et chose, subhanallah, pour nous c'est bizarre, mais en vérité c'est normal. Tu manges pas, tu bois pas, tu dors pas beaucoup, et subhanallah, tu arrives à t'éloigner du haram. Dans cette difficulté-là. Et quand le mois de Ramadan est terminé, tu manges, tu bois, tu dors autant que tu veux, et tu n'arrives pas à t'éloigner de ce qui est haram. Subhanallah. Mais on sait aussi que les shayatines sont enchaînés. Wallahu ta'ala a'lam, wa nasallahu azza wa jal, an yaj'alana minal muttaqin fi dunya wal akhirah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله لي ولكم.